En attendant, nous sommes bloqués à Paris. Comme je ne sais pas conduire, je suis obligée d'emprunter les transports en commun chaque fois que je veux sortir. Quelquefois, Pierre me conduit là où je veux aller. Mais il est toujours de mauvaise humeur quand il conduit. Si je savais conduire, je pourrais aller me promener quand je veux et là où je veux. Je me verrais même très bien aller à l'étranger au volant de ma voiture. Car je m'achèterais une voiture si j'avais mon permis de conduire. Pierre me dit que si je partais seule, ce ne serait pas convenable. « Tout le monde dirait que tu as quitté ton mari, » me dit-il.